L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association SOS Village d'Enfants recrute des éducateurs familiaux, pères ou mères SOS et des aides familiaux. Marie-Christine Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du village d'enfants SOS de Jarville, un village qui a ouvert en 1963 à Jarville. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle d'un village d'enfants ? Donc un village d'enfants est là pour accueillir et accompagner des fratries donc qui lui sont confiées par l'aide sociale à l'enfance et essayer de maintenir ces enfants ensemble dans la même maison pour qu'ils puissent grandir ensemble dans un climat d'affection en prenant confiance en eux surtout et puis avec un travail sur le long terme pour un dépassement de leurs traumatismes antérieurs. Sur le site de SOS Village d'Enfants, on apprend que près de 200 000 enfants sont en situation de placement en France. Quelle place va prendre, vous l'avez un peu évoqué, mais SOS Village d'Enfants, comment vous allez fonctionner justement pour permettre à ces enfants de retrouver un équilibre? Nous avons sur le village donc 11 maisons qui sont mises à disposition des accueillantes familiales donc qui viennent et des éducatrices familiales qui prennent en charge les enfants de façon stable et bienveillante. Et ce binôme se relaye sur 3 semaines de temps de présence pour une éducatrice familiale, 1 semaine pour une accueillante familiale. Les enfants, du coup, sont dans leur maison, constamment accueillis, comme ils le seraient dans un univers familial. Des enfants à partir de quel âge ? Pour Jarville actuellement, nous avons des enfants qui ont, pour le plus petit, 18 mois, et pour les plus grands, 19 ans. Dans le Grand Est, il y a 2 villages d'enfants, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons Marange en Moselle et Jarville en Meurthe-et-Moselle. Et pour la France, c'est à peu près combien de villages d'enfants qui existent ? Alors, si mes chiffres sont à peu près exacts, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets de développement, je situerai aux alentours de 19 villages. D'accord, 19 villages à peu près en France, d'autres pourraient ouvrir, il en existe aussi dans d'autres pays. Donc l'association SOS Village d'Enfants a lancé un recrutement, comme je le disais en introduction. Quel type de personnes vous recherchez, quel type de profil aujourd'hui ? Alors à l'heure actuelle, nous recherchons des éducateurs familiaux, qui sont les anciens pères et mères SOS, et des aides familiaux. Donc en poste de CDD, de CDI, voilà, ce sont les personnes qui sont directement en contact des enfants et qui les prennent en charge au quotidien. C'est des emplois un peu particuliers parce que c'est 24 heures sur 24. Comment ça se passe ? Donc l'éducateur familial va travailler pendant 3 semaines consécutives, 24 heures sur 24. Et donc il sera comme une mère de famille peut l'être dans sa propre maison avec l'accueil de 5 à 6 enfants. En général, c'est 1 à 2 fratries. Par maison, et donc elle parlera au quotidien des enfants et les accompagnera tout au long de leur journée et puis de leur scolarité, de leurs activités parascolaires, du suivi médical et autres. Et quand elle partira en repos pendant 1 semaine, ce sera une aide familiale qui viendra prendre leur lit et qui, elle, travaillera sur 1 semaine. Et donc aujourd'hui, il y a des recrutements notamment sur les 2 villages SOS Village d'Enfants sur le Grand Est, donc à Jarville et à Marange-Silvange. Est-ce qu'il est difficile justement de recruter pour ces types de postes ? Oui, c'est très difficile parce que travailler 3 semaines consécutives, 24 heures sur 24, c'est compliqué. Pour des personnes qui ont une famille, c'est compliqué de s'éloigner de leur famille pendant une période aussi longue. En sachant que si elles habitent sur la région, il y a possibilité de plages vertes, donc pendant lesquelles elles peuvent sortir et s'aérer un petit peu et prendre du temps pour elles aussi, parce que c'est important qu'elles ne s'oublient pas pour on s'occupe mieux des autres quand on est déjà bien soi-même. Mais c'est vrai que c'est un problème de recrutement, c'est compliqué. En plus, voilà, les enfants sont des enfants qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des séparations et qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a plus d'enfants aujourd'hui qui mériteraient d'avoir une place dans un village SOS, village d'enfants notamment ? Personnellement, je pense que oui. C'est vraiment une solution qui est, voilà, c'est un petit peu différent d'un établissement, de MEX ou autre, parce que l'enfant a sa propre chambre, il vit dans une maison, il a le salon, voilà, ça correspond vraiment à ce qu'il y ait une ambiance et un lieu de vie le plus familial possible. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour les enfants, pour leur épanouissement et puis leur sérénité aussi. Comment on peut faire pour proposer ces services ? Pour proposer ces services, on a un service recrutement donc, qui se trouve au siège à Paris. Et on a une jeune personne qui est Anne-Sophie Gérin, donc, qui est responsable du recrutement, qu'on peut joindre directement sur le siège SOS Village d'Enfants. Donc l'adresse mail, c'est asgerin@sose.org. Voilà, l'adresse qu'on retrouvera bien entendu aussi sur notre site internet. L'association Village d'Enfants qui a aussi un site internet est www.sosve.org. Là aussi, on va retrouver toutes les informations nécessaires et pratiques. L'association SOS Village d'Enfants, est-ce qu'il y a d'autres manières de l'aider aujourd'hui par du bénévolat par exemple ? Tout à fait. Donc, on a des activités bénévolat qui sont menées, axées principalement sur des animations et puis une prise en charge des enfants sur des temps ludiques et sur le soutien scolaire. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui nous accompagnent pour le soutien scolaire. Une accueillante qui a 5 enfants dans une maison a parfois des difficultés d'être en même temps avec les 5 pour faire les devoirs, qui sont sur des niveaux très différents. Bien sûr. Donc, on a vraiment besoin de bénévoles qui puissent nous accompagner dans ce domaine-là. Et là, on vous contacte directement à Jarville ? Alors là, c'est le village. Oui. Tout à fait. Oui. Comment fait-on ? Eh bien, on prend son téléphone et on appelle le village avec le 03 83 56 15 48. L'adresse mail, c'est jarville@sosve.org. Voilà, pour donner un petit coup de main à l'association SOS Village d'Enfants de Jarville et puis pour postuler aussi, pourquoi pas, il y a des postes possibles d'éducateurs familiaux, de père ou mère SOS et des aides familiaux, voilà. Que ce soit dans la région ou même au niveau national. Il y a plein de postes disponibles. Il y a des postes à Marange aussi. Hein. Sur la Moselle, je parle aussi au nom de mon collègue et mes collègues qui ont aussi des besoins à couvrir. Et de bénévolat aussi, on imagine bien. Tout à fait. Marie-Christine Paulet, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.